croyait qu'on était parti. Parti, là, on relance ton parti. Ma patrie, si tu croyais qu'on était parti. Là, on relance la partie, City. On arrive sans saut. Mation, mets ton bien cousin sur ta consommation. V'là les mauvais garçons, serre ton caleçon. Ingénieur du son, on part vainqueur en bonne position. On détient le monopole du son. C'est du B à la barre, garde la position. 30 000, c'est pour ma hurle, clou de bouche et cru. Number one dans les urnes, même si protégez vos gueules. Dédicace à tous les miens, à Kima et Nas Damien. À la conquête de jolies sommes comme la somme. Pas de jolies femmes aux jolies formes. On a le son uniforme. Attentat au chromie, rien qu'on pose des bombes. C'est l'hécatombe, on part en trombe. Avant de finir sous les décombres, bloqué dans une tombe. MC, tu veux test le 32 000, tu te trompes. On a le flow qui brille, on a le flow qui vise le mille. Qui veut test, t'es dingue, t'es dead. V'là l'introduction, écoute la composition. Besoin de personne, c'est nous la production. 32 000, c'est du vrai, nique la contrefaçon. D'un rap pour faire mission, sans rétention. En mode démolition, faites place aux mauvais garçons. La malédiction du son, dans le sang, Kennedy, ambition. Je demande à GTA, mission. On veut du pognon sans trêve à toutes les saisons. On sert à l'écoute, rien qu'on s'entraide. On nique les traites, on reste seul à soigner notre malaise. La haine dans les artères d'école, j'ai fumé le starter. C'est choqué, reste le cul par terre. Toujours halte sur le terre-terre. Le cerveau en l'air, mais les pieds bien par terre. Je mets un terme à votre carrière. Je mets un thème à mes textes. À moi de grosse bête, en mode compète. La concurrence à mon tasse, lui met un pète. 32 000, qui veut être des dingues et des dead. Bourreau derrière le micro, j'fais sale boulot. Décapite les balles tringues. Encore une victoire, frérot, faut qu'on tringue.